بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الفصل الرابع نوفو شابيتر في المتفرقات من المناهي اللفظية sont les différents sujets dans les termes interdits. Donc là c'est un chapitre qui est beaucoup plus large. يقول في السؤال 89 89e question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا ما حكم من سب الدين والرب وذلك إذا نشأ بينكم قد اعتاد هذا الأمر في الساعة غضب وكذلك كيف تكون معاملته إذا كان يعتقد نفسه مسلما. Donc il a dit, quel est le jugement de quelqu'un qui insulte la religion ou qui insulte le Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, du fait qu'il a grandi au milieu, dans un environnement où les gens ont pour coutume, justement, lors de la colère, d'insulter Allah et d'insulter la religion. Donc comment doit-on se comporter avec lui, surtout du fait que lui se considère comme étant muslim. فَأَجَابَ رَحْمَةً رَوْ تَعَلَى قال أهل العلم من سب الله ورسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا. Donc il a dit, les gens de science ont dit que celui qui insulte Allah ou son messager ou le livre d'Allah ou la religion d'Allah, c'est un mécréant, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante dans ses paroles. واستدلوا لذلك لقول الله تعالى بقول الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Donc ils se sont basés sur le verset qui parle des munafiqin qui insultaient le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons, dans le sens où Allah dit, si jamais tu leur demandes, c'est-à-dire à propos de leurs paroles, ils diront, nous faisions que plaisanter, discuter. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous moquiez. Surat Tauba. قَالَ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ حَكَى اسْتِزَاءَهُمْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et après, dans la suite du verset, Allah il leur dit dans le sens, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. وجاء رجل منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما كنا نتحدث حديث ركب لنقطع به عن الطريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا أن يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et dans le hadith qui est lié à ce verset, il a été raconté que justement l'homme qui s'était moqué du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, est venu pour s'excuser lorsqu'il a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mis au courant. Et il disait, nous ne faisions que parler pour pouvoir faire passer le voyage. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se retournait même pas vers lui, continuait son chemin et restait le verset précédemment cité. Amma idha qalaha 'inda ghadabin shadidin bihayth la yamliku nafsah ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر بذلك لأنه غير مريد للقول. Il dit par contre, si jamais il dit cette chose-là, cette insulte, dans une colère démente, c'est-à-dire il est tellement en colère qu'il ne sait même plus ce qu'il dit, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, alors à ce moment-là, il ne m'y croit pas. Car il aura fait la chose involontairement. Et comme vous savez, ça rentre dans le jugement un peu de celui qui a perdu la raison en fait. Car les taklifs, les charges religieuses, elles sont pour, elles sont, on va dire, celui qui dort, ses actes ne sont pas pris en compte. L'enfant, ses actes ne sont pas pris en compte, parce qu'il n'est pas encore pubère. Et le fou également, qui a perdu la raison, ses actes et paroles ne sont pas pris en compte. Donc, lui qui rentre dans une colère furieuse et démente, il rentre dans ce cas-là qui est comme celui du fou, un peu. Donc c'est quelqu'un qui se met en colère, qui dit une chose, il ne se rend même pas compte de ce qu'il a dit, en fait. وَلِهَذَا لَوْ تَلَّقَ الْإِنسَانُ زَوْجَتَهُ فِي غَضَبٍ شَدِيدٍ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَإِنَّ زَوْجَتَهُ لَا تُطْلَقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ طَلَاقَهَا. Il a dit par exemple, si un homme se met à divorcer sa femme dans cette même situation, c'est-à-dire dans cette colère démente, furieuse, on ne sait même plus ce qu'il dit, alors le divorce n'est pas pris en compte. Et là, le shir précise bien qu'il s'agit d'une colère, tu ne sais même pas ce que tu dis. Sans quoi, qui donc, en général, ne divorce pas sa femme sans être en colère? La colère en soi, même la colère intense, n'est pas une excuse. Là, on parle d'une colère où tu ne sais plus ce que tu dis, tu as perdu la tête. On parle de celle-ci. Non. dont la preuve va arriver dans peu de temps, inchallah. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن فرح الله سبحانه وتعالى وبتوبة العبد وأنه أشد فرحا بذلك من الرجل الذي في السفر ومعه بعيره عليها طعامه وشرابه فضلت عنه فطلبها ولم يجدها. Donc après, il cita justement ce hadith rapporté par Anas que le Nabi صلى الله عليه وسلم a cité la joie d'Allah que celle-ci est plus grande encore lorsque son serviteur se repent auprès de lui, que de la joie d'un homme qui était dans son voyage, dans un désert, avec sa monture sur laquelle se trouvait sa boisson, sa nourriture, puis il perdit sa monture, elle est partie. Donc de là, cet homme-là s'est retrouvé désespéré, perdu, et se mit à attendre la mort en s'allongeant à l'ombre d'un arbre. Pour lui, c'était fini, il allait mourir. Puis, d'un coup, il a vu sa monture qui est revenue. فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ يُلِدْنْ يَكُولْ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ أفوان اللهم أنت عبدي نعم وأنا ربك يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. Et lorsqu'il a vu sa monture arriver, il était tellement content qu'il a dit « Oh Allah, tu es mon, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. » Pourquoi ? Car en réalité, il a voulu dire « Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Tellement il était content qu'il s'est trompé en disant cette parole-là qui est à la base du kufr, bien évidemment. Mais il ne s'en est pas rendu compte tellement il était dans une joie intense. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a bien dit, il s'est trompé tant il était content. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Et ça arrive plein de fois. Ou même des fois, on a des lapsus, on dit une parole qu'on ne veut pas dire. Quand on dit, en arabe, on appelle ça « sabak al-lisan », que ta langue t'a devancé. T'as voulu dire une parole et tu en as dit une autre à la place. Et cette fois, cette parole-là que tu as dite, elle peut être du kufr, elle peut être une bid'a, elle peut être une chose qui est muharrama, mais tu n'as pas fait exprès de le dire. Donc à ce moment-là, ce n'est pas pris en compte. Maintenant, si quelqu'un te dit « attention, après tu as dit telle chose », tu dis « ah bon, astaghfirullah », et là tu corriges. Mais en réalité, il n'y a pas de péché sur toi et il n'y a pas de règle qui en découle, car tu n'as pas fait exprès. قال فالمهم أن من سب الله ورسوله أو دينه أو كتابه جادا كان أو حازما فهو كافر. Donc il a dit, ce qui a retenu, c'est que celui qui insulte Allah ou le messager صلى الله عليه وسلم ou la religion de l'islam, celui-là, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante, il est mécréant. يقول ولكن ينبغي عليه إذا أفاق وذهب عنه الغضب أن يراجع نفسه ويستغفر الله تعالى ويظهر لسانه من هذا الشيء القبيح ويتعود ذكر الله تعالى والثناء عليه فإذا تعود لسانه ذلك فإنه لم ينطق بالسباب ولو عند الغضب. Il a dit maintenant, celui qui a dit cela dans le cas de la colère démente, lui dit bon, comme on a dit, il n'y a rien sur lui, cependant si jamais il se rend compte de ce qu'il a dit et que la colère s'en va, alors il doit se remettre en question et demander pardon à Allah Azzawajal et se rendre compte qu'il a dit une parole qui était immonde. Il doit habituer sa langue à prononcer de l'évocation d'Allah Azzawajal, de faire son éloge, car quelqu'un qui est habitué à avoir des bonnes paroles, même dans la colère, il ne dira pas des paroles comme celle-ci. Les gens qui se mettent en colère, qui insultent la religion, même sans s'en rendre compte, comme ça, c'est qu'ils ont à la base, la langue est habituée à dire des mauvaises paroles. Naam. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Abbad, Hafizallahu Ta'ala, est interrogé sur le même sujet. Lui aussi dit la même chose que celui qui insulte Allah dans la colère ou la religion. Et c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire les paroles qu'il prononce, il les comprend. Même s'il est en colère, c'est pas une langue qu'il ne comprend pas ou ce n'est pas... Il sait ce qu'il dit. Eh ben, il dit lui, également, il m'y croit. Il a dit, tu n'as rien trouvé d'autre insulté que Allah dans la colère. Avec tout ce qui existe sur comme créature, tu n'as trouvé que Allah, celui qui est créateur, à insulter. Et là, subhanallah. Ça prouve que vraiment le cœur, il est malade. Après, dans la 90e question. Donc maintenant, il dit, qu'en est-il des enfants qui insultent la religion? On avait dit tout à l'heure que l'enfant n'est pas mukallaf, il n'a pas les charges religieuses. فأجاب رحمه الله تعالى تعلمون أن الأطفال مرفوع عنهم القلم ولكنهم ينهون عن سب الدين وشد النهي ويؤدبون ويضربون حتى يتركوا هذه العادة القبيحة. Il a dit, maintenant vous savez que l'enfant n'est pas sous les charges religieuses, car il est un pubère. Donc la plume n'écrit pas ses actes. Cependant, il faut l'interdire de faire cela. Et si jamais il venait à le dire, alors il faut le frapper et l'éduquer pour qu'il perde cette immonde habitude que beaucoup de gens ont prise malheureusement. Depuis l'enfance, il faut l'habituer à ne pas faire cela, à ne pas dire cela, à ne même pas y penser. Quitte à le frapper pour qu'il délaisse cela et qu'il ne grandisse pas là-dessus. Car dans des pays, c'est une chose qui est devenue monnaie courante. Par exemple, en Algérie, c'est une chose qui est monnaie courante. En Palestine, c'est une chose qui est monnaie courante. Les gens, ils sont là, ils parlent arabe, ils sont en colère, ils insultent Allah, ils insultent la religion, wa la'az billah. Naam. Yaqul fi su'al 91, 91e question, qui est toujours liée au même sujet. Su'ila al-shaykh wa rahimahu ta'ala, kayfa nu'amilu man kana ya'taqidu nafsahu musliman wa huwa sabbun lillah. Donc la question, c'est comment se comporter avec quelqu'un qui se considère comme étant musulman alors qu'il insulte Allah. فأجاب رحمه الله تعالى هذا ليس بمسلمين ما دام قصد القول فإن سب الله تعالى كافر ولو كان ذلك على وجه اللعب والمزاح بل إن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون من سب الله لا تقبل توبته. Donc il a dit, celui qui agit de la sorte, ce n'est pas un musulman. Ça devient un apostat. Tant qu'il sait ce qu'il dit, c'est-à-dire ce qu'il a dit, il l'a prononcé délibérément en sachant ce qu'il dit en comprenant ses paroles. Donc celui qui fait cela, c'est un mécréant. Même s'il dit cela pour plaisanter. Et il dit que même les juristes, parmi les Hanabila du Madhab Hanbalit, ils disent que celui qui insulte Allah, sa tawbah n'est pas acceptée. Son repentir n'est pas accepté. يعني لو جاء وقال أشهد أني مخطئ وأنا تائب وأنا رب عز وجل له كمال والصفات يقولون ما تقبل توبتك. توبتك وحكمك القتل وتوبتك بينك وبين ربك. Il a dit, مثلاً, qu'est-ce qu'il veut dire par là que sa toba n'est pas acceptée? Que si un homme venait à dire, insulter Allah, puis venait auprès des gens et en disant, ce que j'ai dit, c'est une erreur de ma part, je n'aurais pas dû, je demande pardon, et je reconnais que Allah Azzawajal a la perfection, les attributs parfaits, qu'il n'est pas, on ne peut l'insulter, ce genre de choses, ils vont lui dire, entre toi et Allah, cela te concerne. Concernant les règles mondaines, ce bas monde, toi, tu mérites l'exécution, la peine de mort. Il n'y a pas d'excuse pour ce que tu as fait. Mais il se peut que Allah Azzawajal te pardonne et tu ne rentreras pas au feu et tu seras, ta faute t'aura expié. Mais ici, en ce bas monde, nous, on a plus sur toi la peine quand même, malgré tout. C'est ça qu'il veut dire par là en disant que sa tawbah n'est pas acceptée. Un peu comme le sorcier. Celui qui fait de la sorcellerie, les ulama, ils disent, il n'y a pas ijma, mais la plupart disent que celui qui fait de la sorcellerie, lorsqu'il fait tawbah, on l'exécute malgré tout. Malgré tout, il est exécuté. Et sa tawbah entre lui et Allah. فيقول الشيعة لكن الصحيح أن تقبل إذا علمنا أن الصادق التوبة وذلك من سيرته واستقامته فيما بعد. Il a dit, mais en réalité, la vie authentique, c'est que s'il s'excuse et qu'il fait tawbah, alors cela sera accepté et il sera délaissé et cela apparaîtra à travers ses actes par la suite. Et à tambih, concernant le fait d'insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par contre, celui qui insulte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait une tawbah, lui, il est exécuté. Pourquoi? Car là, c'est le droit du message d'Allah. Et ce droit-là, c'est le message d'Allah qui décidera si lui le pardonne ou pas, yawm al-qiyamah, lorsque les comptes seront rendus. Mais en ce bas monde, comme on ne le sait pas, alors la cause, c'est que c'est la peine de mort. Caricature, moquerie, insulte et autres. Celui qui agit de la sorte, en sachant ce qu'il dit, même s'il est en colère ou qu'il plaisante ou quoi, c'est ça le jugement qu'il y a sur lui. Car la base sur le droit d'Allah, c'est le pardon. Allah, il pardonne. Mais la base dans la créature, c'est que cela se jouera le jour de la résurrection à l'heure des comptes. Donc, en ce bas monde, cela n'est pas pris en compte, cela n'est pas pardonné. Naam. Hadha alladhi qalna al-yawm. Walhamdulillahi rabbil alamin.